après-midi, bon soleil qui a chauffé. Alors moi décidé, reposer en bas mangola. Attends un bon moment, on sommeil chapé puis moi. Alors moi qu'a rêvé, on bite un café moi père. gamande. Pourquoi yo fani? Mais aussi détresse, la vie, faut nous respecter, la vie, faut nous Ça va difficile. Donc répétez après moi. Je voulais plus que vous parmi les pour qu'ils comprennent ça. Dans quoi même là. Ouh, yeah, apprécié, il parlait. Parce que été, qui est obligé d'aller chercher là où j'étais là. C'est vrai, à voilà, monsieur sorti de là, où ils font tête à zot, bah en leur importance, parce que demain, ils ont périphé avec le quai. Thank you. savent, y a un petit proverbe qui dit, les premiers seront les derniers. En cas, racontez ça ton bitin qui fait. C'est un bouc. À force, il couillon des mounes, et surtout jeunes garçons, eh ben, à l'œil clochant métro là, et ces jeunes petits boucles là, ça, c'est yo qui a aidé. Alors, attention à zone, pas couillon des mounes. Don't.